Bon, on commence, inshallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours 93 dans la aqidah de Ahlus Sunnati wal Jama'a du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Et on est toujours dans le chapitre au sujet du pilier de la foi, qui est le dernier parmi les six piliers de la foi, l'iman ou bil qadar, la foi en la prédestination. Et maintenant, on est arrivé à un point dans ce chapitre où le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il explique les quatre degrés de la foi en al-qadar, al-maratib al-arba'a, maratib al-arba'a. En fait, ces quatre maratib, on les a étudiés maintes fois dans différents livres. Les ulama, ils les mentionnent à chaque fois pour nous faciliter la compréhension et pour que la croyance qu'on a en, en ce pilier de la foi soit correcte et soit simple et claire pour nous. Donc, c'est ce qu'on va expliquer maintenant, inshallah. Je vais me référer à la traduction de... Comment ça s'appelle? Traduction de Dar Salam. Les quatre degrés ou les quatre niveaux. Et en réalité, pour les résumer, c'est simple. C'est Al-Ilm, Wal-Kitab, Wal-Mashi'a, Wal-Khalq. Al-Ilm, c'est la science. Al-Kitab, c'est l'écriture. Qu'est-ce qu'il y a que, comme si Allah a tout écrit. Et Al-Mashi'a, c'est la volonté. Et Al-Khalq, c'est la création. Donc ça, c'est en résumé. Les quatre niveaux, ou les quatre degrés du Qadar, c'est ces quatre degrés-là. Si quelqu'un veut que sa croyance en Al-Qadar, en la prédestination, soit valide, il faut qu'il ait cru en ces quatre degrés-là, en ces quatre conditions-là. S'il y a un problème ou une erreur ou un manque dans ces degrés du qadar, eh bien, ça veut dire que sa croyance en la prédestination, elle est incomplète. Hein? Maintenant, on va lire donc ces quatre degrés. Le cheikh محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إلذي وللقدر أربع مراتب المرتبة الأولى العلم فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. Je vais lire les quatre, après on va lire le charh après. Al-martabatu thaniya, al-kitaba. Fanu'minu bi'anna Allah ta'ala kataba fil lawh al-mahfouz. Ma huwa ka'in. Ila yawm al-qiyama. Yani, ma huwa ka'in ila yawm al-qiyama. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi al-samawati wal-ard. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير والمرتبة الثالثة المشيئة فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض ولا يكون شيء إلا بمشيئته وما كان وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض فهذه المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده والله تعالى قد شاءها وخلقها. OK, on va traduire ça, après on va lire l'explication. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Donc, il y a quatre degrés parmi les degrés de la foi en la prédestination. Hein? Et ces quatre degrés-là, le premier d'entre ces degrés, c'est l'ilm, la science. Et c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de toutes choses. Il sait ce qui était dans le passé et ce qui va être dans l'avenir et comment il va être, hein, cet avenir. Et il l'a toujours su éternellement. Et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se renouvelle pas après ignorance. C'est-à-dire, comme les ulama disent, « Ilmullah lam yusbaq bi jahl ». C'est-à-dire, la science d'Allah, elle n'a pas été précédée par de l'ignorance. Et il n'est pas touché par l'oubli après la science. Il n'est pas touché par l'oubli après la science. « La yadillu rabbi wa la yansa ». Mon Seigneur ne s'égare pas ni n'oublie. Hein? Le deuxième degré, c'est le degré de Al-Kitaba, c'est-à-dire l'écriture, ce que les musulmans disent souvent comme étant Al-Maktoub. Al-Maktoub, c'est-à-dire qu'est-ce qui est écrit. Alors il dit, le Cheikh, nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans la table préservée tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Et il cite le verset 70 dans Surat Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il sait, hein, ne vois-tu pas que Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Certes, cela est dans un livre, et certes, cela est facile pour Allah. Et le troisième degré, c'est al-mashi'a, c'est-à-dire la volonté. Et nous croyons donc que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qui se produit dans les cieux et sur la terre. Hein? Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, Allah l'a voulu. Il n'y a pas une chose acceptée que c'est par sa volonté qu'elle existe. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith, « Ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun ». Ce que Allah a voulu est, et ce qu'il n'a pas voulu n'est pas. Et le troisième degré, parmi les degrés de la prédestination, c'est le degré de Al-Khalq, c'est-à-dire la création. Et à ce sujet-là, il dit, à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il est le créateur de toutes choses et il est garant de tout. Il détient les clés des cieux et de la terre. Il dit, هذه المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله. Donc, ces quatre degrés comprennent tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et tout ce qui est fait par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et tout ce qu'il fait par rapport à ses créatures aussi. Donc tout ce que font les serviteurs comme tout ce qu'ils disent comme parole, tout ce qu'ils font comme action, ou tout ce qu'ils délaissent comme parole ou comme action, tout ça c'est connu par Allah, avant même d'avoir créé les cieux et la terre. Et ça a été écrit par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu et c'est lui qui l'a créé. Ça, c'est les quatre degrés. C'est comme ça qu'on doit comprendre les quatre degrés. D'accord? Peu importe qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui arrive dans la création, on doit se rappeler de ces quatre degrés-là par rapport à ces choses-là. Donc, si on dit, juste pour donner un exemple, si je pourrais donner un exemple par rapport à ça, un événement qui s'est produit, par exemple, si je dis par exemple la chute de l'Andalousie. La chute de l'Andalousie. Lorsque les musulmans ont perdu l'Andalousie. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? On peut dire, comme on peut le dire à propos de toutes les circonstances et toutes les situations et toutes les choses qui existent. Premièrement, Allah a toujours su éternellement que cette chose-là allait arriver. Et il l'avait écrit dans son livre, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et en même temps aussi, il l'a voulu. Hein? Ça s'est uniquement produit par sa volonté. Et en même temps, c'est lui qui l'a créé. Hein? Et la même chose aussi, tu peux dire à propos du flocon de neige qui est tombé, ou de la goutte d'eau qui est tombée, ou de la feuille qui est tombée de l'arbre. La même chose. Chaque chose qui bouge et qui se produit dans l'univers a été réglée selon ces 4 degrés-là aussi. Il n'y a rien qui sort de ça. Et la mort de quelqu'un, c'est la même chose. Allah, il savait qu'il allait mourir à cet instant-là. Et il a écrit qu'il allait mourir à cet instant-là. Et il a voulu qu'il meure à cet instant-là. Il ne serait pas mort. Sauf s'il est mort à ce moment-là, c'est parce que Allah l'a voulu et il l'a créé. Hein? Il a créé sa mort à cet instant-là. Il n'y a rien qui sort de ça. Maintenant, on va lire l'explication plus détaillée de chacun de ces 4 degrés. Le cheikh, il dit, قوله وللقدر أربع مراتب المرتبة الأولى العلم فنؤمن بأن الله بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي علمه الأزلي يعني أنه ليس بحادث الأبدي يعني أنه ليس بمنقطع أما علم من سوى الله تعالى فليس أزليا ولا أبديا لأنه يسبقه جهل ويلحقه نسيان فكلما أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا حتى الطفل لا يعرف أمه إلا بعد مدة il dit فكلنا أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا حتى الطفل لا يعرف أمه إلا بعد مدة ثم جعل الله لنا السمع والأبصار والأفئدة فبالسمع والبصر ندرك المعلومات وبالأفئدة نعقلها إلا أنه يحدث لنا نسيان ولكن علم الله أزلي ليس بحادث أبدي ليس بزائل إذا نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم بعلمه الأزلي والأبدي لا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم قال تعالى في قصة موسى عليه السلام حين سأله فرعون فما بال القرون الأولى يعني ما شأنها أخبرنا عنها فقال له موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى إذن فيجب أن تعلم أن الله بكل شيء عليم عالم حتى بأفعالك فإن الله عالم بها. Donc le cheikh il explique que les 4 degrés, parmi les 4 degrés, le premier, c'est la science. La science d'Allah, qui est éternelle et qui est une science parfaite et complète. Et nous croyons donc que Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de toutes choses. Il sait ce qui allait être, il sait ce qui était dans le passé et ce qu'il va y avoir dans le futur. Et sa connaissance, elle est complète et parfaite, elle est éternelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les termes qu'il a employés, c'est azali. Azali, ça veut dire, c'est pas quelque chose qui, une science qui est nouvelle. C'est-à-dire, elle n'a pas été précédée par de l'ignorance. La science des êtres humains. Les êtres humains, quand ils savent quelque chose, c'est après l'avoir ignoré. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme les créatures. Sa connaissance, elle est éternelle. Il a toujours su et il a toujours tout su, éternellement. Et abadi, ça veut dire à jamais. C'est-à-dire que sa science n'est pas suivie d'ignorance, contrairement aux créatures qui, après avoir su quelque chose, peuvent l'oublier. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie rien. Et comme par exemple, vous pouvez trouver dans les versets dans le Coran, par exemple, où Allah il dit Nasullaha fanasiyahum. Nasullaha fanasiyahum. C'est-à-dire, ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Ou bien, فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui oublient Allah, alors Allah fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala les oublie dans le sens qu'il perd la connaissance à leur sujet, non. Ça veut dire en réalité qu'il les punit, hein, en faisant en sorte justement qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et c'est une sorte de façon pour dire que yani, il les punit de cette façon. Il agit avec eux comme eux ont mérité qu'on agisse avec eux par rapport à leur attitude et leur comportement. Dans la vie d'ici-bas, ils ont oublié les règles d'Allah et ses commandements. Et ils ne se sont pas rappelés d'Allah, ils n'ont pas obéi à Allah et à ses messagers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va les traiter de cette manière aussi. Comme eux, ils ont oublié Allah, Allah va les oublier, hein, va les ignorer dans ce sens-là. Mais sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah il le mentionne, la yadillu rabbi wa la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Il ne s'égare pas et il n'oublie pas. Et il dit ensuite, le cheikh, que donc, la connaissance d'Allah n'est pas précédée d'ignorance et n'est pas suivie d'oubli. Et contrairement aux créatures, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des êtres humains qu'il nous a fait sortir du ventre de notre mère, on ne savait rien. Hein? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, la ta'lamu shay'an. Hein? Vous sortez du ventre de votre mère, vous ne savez rien. Il dit même l'enfant, quand il sort du ventre de sa mère, il ne connaît même pas qui est sa mère. Hein? C'est juste que ça lui prend du temps à s'habituer à elle et à la connaître. Et ensuite, il lui donne l'ouïe, la vue et le cœur pour réfléchir. Et c'est par l'ouïe et par la vue que l'être humain arrive à découvrir des connaissances. Et par son cœur, il arrive à réfléchir. Hein? Et il dit, et par la suite, peut-être qu'il apprend quelque chose ou il a appris quelque chose, par la suite, il l'oublie. Beaucoup de gens, par exemple, ils savaient beaucoup de choses, puis après, par la suite, ils oublient. Et il y a des gens qui sont atteints même d'une maladie qu'on appelle Alzheimer. Hein? Et ils commencent même à oublier des choses, hein, qu'ils savaient auparavant. Donc, ça c'est l'exemple. Ça c'est chez les créatures. Et il dit, voilà qu'en Allah, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, non, sa science, elle n'est pas précédée d'ignorance et n'est pas suivie d'oubli. Il dit donc, nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de toutes choses éternellement et que sa science n'est pas précédée par de l'ignorance ou yani, n'est pas suivie par de l'oubli. Et même que dans l'histoire de Moussa alayhi salam, dans le verset 51 et 52 dans sourate Taha, hein, il mentionne que Moussa a posé la question à Pharaon. Fama balu al-qurun al-ula. Yani, qu'est-ce que tu dis à propos des siècles qui ont précédé? Qu'est-ce qui arrive avec eux? Hein? Donne-nous des informations à leur sujet. Et Moussa alayhi salam qui a répondu en disant ilmuha 'inda rabbi fi kitab, c'est-à-dire la connaissance au sujet des siècles précédents, elle est auprès de mon Seigneur dans un livre. La yadillu rabbi wa la yansa. Mon Seigneur, il ne s'égare pas et il n'oublie pas. Hein? Il ne s'oublie pas et il n'oublie pas. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il est obligatoire de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de toutes choses. Il est omniscient, il a toute la science, et même il sait qu'est-ce que tu vas faire. Hein? Et même que Hassan allait rentrer aujourd'hui à la mosquée à 7h-ci, et qu'il allait donner la main à Yaqub, et qu'il allait hein, faire ça, tout ça c'était écrit. Hein. Il n'y a rien qui est, il n'y a rien qui sort de la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh, il dit, al-martabatu thaniya, le deuxième degré, il dit, al-kitabatu, fa nu'minu bi anna Allah ta'ala kataba fil lawh al-mahfouz ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Al-lawh al-mahfouz, yani al-mahfouz an al-aidi, hein, wal-mahfouz an al-taghyir. فهو لوح لا يناله أحد ولا يتغير ما فيه وهذا اللوح هل هو من خشب أو من حديد أو من فضة أو من ذهب أو من نور نقول الله أعلم. الشيخ ابن عثيمين لم يسأل posé des questions comme ça. Rahimahullah. Il dit ici, le deuxième degré de la croyance, hein, le qadar, c'est al-kitab, l'écriture. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit. Et nous devons croire qu'il a tout écrit, la destinée, et yani, le décret et la prédestination, dans une table préservée, sur une tablette préservée. Hein? Aujourd'hui, les gens... Ils disent, mais comment est-ce que c'est possible qu'il écrive tout ce qui se passe depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps dans une tablette seulement? Alors qu'aujourd'hui, tu vois des gens qui ont une tablette iPad, ils ont dedans des milliers de livres. Peut-être que les livres qui sont dans la bibliothèque, des universités dans le monde entier, il les a dans sa tablette. Alors, si tu recules peut-être 100 ans ou 200 ans en arrière, et tu viens, tu vas voir des gens, tu leur dis, dans cette tablette, mais si quelqu'un il retourne dans le passé, il vient avec une tablette iPad, il dit, dans cette tablette, j'ai tous les livres de toutes les bibliothèques du monde réunis. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, non, ça, c'est pas possible, ça, c'est fou. Hein? Ça, là, c'est du sihr ou quoi? Hein? Peut-être qu'ils ne vont même pas penser que c'est possible. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est des choses possibles. Que dire de ça? Ça, c'est rien. Allah subhanahu wa ta'ala, dans chacune de nos cellules qui composent notre corps humain, il y a notre code génétique, notre ADN. Et dedans, il y a écrit tout ce qu'il y a comme information nécessaire pour créer notre corps tel qu'il est. Comment tu vas dire, mais comment est-ce possible que dans un espace si minuscule, il y ait tant d'informations qui soient réunies pour être capable de créer un être humain? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Donc toi, tu t'étonnes et tu t'éblouis de cet ordinateur-là, iPad, avec une mémoire de je ne sais pas combien de gigs. Et tu dis, ça c'est incroyable, c'est impossible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis combien de jigs dans chacune de tes cellules de ton corps humain? Hein? Bon, tout ça, c'est pour dire, si il est capable de faire ça, il est capable de faire plus encore. Il est capable d'écrire la destinée de tout l'univers, hein, sur une seule tablette sans aucun problème. Et tu vois, 800 milliards de neurones dans le cerveau, hein, ça, c'est pas des petits nombres. Hein? Donc tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, yani, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ala kulli shay'in qadir. Il a le pouvoir sur toute chose. Il est capable, oui, hein, de créer une table préservée sur laquelle il y a l'information à propos de toute la destinée de la création. Depuis le début de la création, même avant la création, jusqu'à la fin des temps. Hein? Et il dit, le cheikh, que al-lawh al-mahfouz, dedans, il y a, il faut croire que Allah il a écrit dedans tout ce qui va arriver jusqu'au jour de la résurrection. Et comme c'est mentionné dans le hadith, il a écrit tout ce qui va arriver 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et le cheikh dit, pourquoi on l'appelle Allah al-Mahfouz? Pourquoi on l'appelle Mahfouz? Parce que cette tablette, elle est préservée des mains. C'est-à-dire les mains ne peuvent pas y toucher pour commencer à changer qu'est-ce qui est dedans. Hein? Tout ce qui est écrit, comme c'est mentionné dans le hadith, yani, rufi'at al-aqlam wa jaffat al-suhuf. les plumes sont soulevées et l'encre est séchée. Hein? Donc la destinée, elle ne change pas. Et il dit, est-ce que cette table préservée, est-ce qu'elle est faite en bois ou en fer ou en argent ou en or ou en lumière? On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Il dit, wa nu'minu bi annahu lawhun mahfouzun. كتب الله تعالى فيه مقادير الخلق ما هو كائن إلى يوم القيامة وكيفية الكتابة أن الله تعالى لما خلق القلم قال له أكتب فقال له القلم يا رب ماذا أكتب فهو قد سمع وأطاع أيضا ولكن الأمر مجمل لم يبين لم يبين فيه المكتوب فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة فانظر خضوع الكائنات لله تعالى وأنت يا ابن آدم لا تخضع إلا بشرط القلم فيما نعلم أنه جماد فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة بعلم الله عز وجل كل ما كان أو ما يكون في الدنيا للإنسان أو لأي أحد فهو مكتوب في اللوح المحفوظ قال النبي صلى الله عليه وسلم جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. Donc il dit ici que Al-Lawh al-Mahfouz, la table préservée, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dedans la destinée de toute la création. Et c'est-à-dire tout ce qui va se produire dans la création jusqu'au jour de la résurrection. Et comment la façon que cela s'est produit, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume. Il a créé la plume et il a dit à la plume, écris. Et la plume a dit, et qu'est-ce que je dois écrire, ô mon Seigneur? Et on voit que la plume, elle était prête. Aussitôt qu'elle a entendu, elle est prête à exécuter et à obéir à l'ordre d'Allah. Sauf que l'ordre qui est donné ici, c'est un ordre général. Alors elle demande une clarification. Qu'est-ce que je dois écrire, ô mon Seigneur? Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit à la plume, écrit tout ce qui doit être jusqu'au jour de la résurrection. Alors, elle a écrit par l'ordre d'Allah tout ce qui va exister jusqu'au jour de la résurrection. Et regardez donc comment elle s'est soumise et comment les créatures se soumettent à l'ordre d'Allah, alors que toi, ô fils d'Adam, tu ne te soumets pas qu'avec des conditions. Et la plume, elle, dans ce que nous savons, c'est un objet inerte. Hein? Mais elle a dit, hein? Allah lui a dit, écris tout ce qui va être jusqu'au jour de la résurrection. Et elle s'est mise à écrire tout ce qui va être jusqu'au jour de la résurrection avec la science d'Allah, c'est-à-dire par la science que Allah lui a donnée de ces choses-là. Et tout ce qui va se produire, hein? Tout ce qui va être dans cette dunya, que ce soit à l'être humain ou à n'importe qui, eh bien, c'est écrit dans la table préservée. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, à ce moment-là, elle a écrit tout ce qui devait être jusqu'au jour de la résurrection, comme c'est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi, selon Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu. Il dit, « فَإِنْ قِيلَ وَرَدَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ سَمِعَ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فهل القلم كتب وانتهى أو أن هناك أشياء تكتب؟ فالجواب أن هناك أشياء تكتب كتابة يومية كل يوم هو في شأن أما الكتابة العمومية فقد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فالله أعلم لكن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير وما في أيدي الملائكة أو ما له أسباب معينة فقد يتغير. Donc il dit ici le cheikh que on a demandé où il, si quelqu'un posait la question, il a été mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu le jour de l'ascension vers les cieux, Laylat al-Mi'raj, il a entendu le frottement des plumes sur le papier. Hein? Alors, il dit, est-ce que c'est la plume qui écrit la destinée, qui continue toujours à écrire, ou bien l'écriture est terminée déjà, ou bien il y a d'autres choses qui sont écrites? Et le cheikh, il répond, il dit, non, il y a d'autres choses qui sont écrites quotidiennement, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat al-Rahman, Kulla yawmin huwa fi sha'n. C'est-à-dire, chaque jour, il est occupé à une affaire. Hein? Il se charge d'une affaire. Yani, comme c'est mentionné dans le tafsir à propos de ce verset-là, yani, yarfa'u aqwaman wa yada'u akharin. Il élève certains et il rabaisse d'autres. Tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala, il agit dans sa création. Et donc, ça c'est par rapport à ce qui est écrit quotidiennement. Il dit toutefois, qu'est-ce qui a rapport avec l'écriture générale? Eh bien, ça, c'est l'écriture de tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Hein? Allahu a'lam. Mais il dit, par contre, il dit, ce qui est écrit dans les tables préservées, ça ne change pas. Toutefois, ce que les anges ont entre leurs mains, ils peuvent parfois le changer. Hein? Ils peuvent parfois le changer. Et le cheikh, il dit ensuite, à propos du verset Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Ça fait partie des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit tout dans un livre, et le livre en question c'est Al-Lawh al-Mahfouz. Donc c'est le verset 70 dans sourate Al-Hajj, et le cheikh dit wa ad-dalilu 'ala al-'ilmi wal kitabati قوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك أي المعلوم في كتاب وهي الثانية إن ذلك على الله يسير وقوله ألم تعلم الاستفهام للتقرير مثل ألم نشرح لك صدرك ألم يكن نطفة من ألم يكن نطفة من مني يمنى وأمثال هذا كثير وقوله إن ذلك على الله يسير يعني إن كتابة ذلك على الله يسيرة فالله عز وجل لم يحتج إلى أدوات أو إلى مداد أو ما أشبه ذلك بل بكلمة واحدة أكتب ما هو كائن وهذا على الله يسير فهذه الآية تضمنت الدليل للمرتبتين العلم والكتابة. Donc il dit dans ce verset là il y a la preuve pour les deux degrés, le degré de la science et le degré de l'écriture, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, ne sais-tu pas que Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Donc ça c'est la preuve pour la science. Et le deuxième degré, l'écriture, inna dhalika, c'est-à-dire cette connaissance, fi kitab, est dans un livre. Et donc ça c'est la preuve pour le deuxième degré. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, certes cela est facile pour Allah, hein? Certes cela est pour Allah très facile. Donc ici alam ta'alam c'est istifham le taqrir, donc ça c'est pour confirmer, hein? Et pour affirmer. Et il y a plusieurs versets qui utilisent cette forme, alam nashrah, alam yakun nutfatan min mani yumna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il pose cette question, mais dans le but de confirmer cette chose. Et il dit ensuite, inna dhalika 'ala Allah yasir, c'est-à-dire cette écriture, elle est facile pour Allah. Hein? Contrairement aux créatures, pour les créatures, c'est pas toujours si facile d'écrire quelque chose. Ça prend de l'encre, ça prend des plumes. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Hein? Si les océans, hein, étaient de l'encre pour les paroles de Monseigneur, eh bien, l'océan serait épuisé avant que se terminent les paroles de Monseigneur. Même si on ramenait des océans en recharge, hein, pour cette plume. Donc, pour dire que on a besoin toujours de l'encre, du papier et tout ça. Mais pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est facile. Il n'y a pas de difficulté pour ça, hein, pour lui dans ça. Et il n'avait qu'à ordonner à la plume d'exister et ordonner à la plume d'écrire et à dire soit et elle fut. Hein, c'est aussi facile pour lui que ça. Ensuite, il dit wal martabatu al-thalithatu hein, al-mashi'a. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض ولا يكون شيء إلا بمشيئته لقول المسلمين جميعا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إذن فالكائنات كلها بمشيئة الله مثل فعل العبد والمطر وخلق الإنسان فكل شيء بمشيئة الله سواء كان من أفعاله التي لا يفعلها إلا هو أو من أفعال العباد ثم اعلم أن المشيئة نوعان مشيئة سابقة وهي تابعة للعلم ومشيئة لاحقة وهذه مقارنة للفعل يعني قد شاء الله مثلا أن يفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا وفي ساعة كذا وكذا وفي بلد كذا وكذا وهذا شاءه من قبل وهو كائن في علمه عز وجل لكن المشيئة الحادثة التي بها يكون الفعل فهذه متأخرة عن الكتابة. Donc ici, le cheikh, il explique que le troisième degré parmi les degrés du qadar, c'est ce qui a rapport avec la volonté d'Allah. Il n'y a rien qui puisse se produire dans la création sans que ce soit par sa volonté. Peu importe que cette chose-là soit parmi les choses que Allah aime ou parmi les choses que Allah n'aime pas, parmi qu'est-ce qui fait partie du bien ou qu'est-ce qui fait partie du mal. Tout ce qui se produit dans la création, c'est uniquement parce que Allah l'a voulu et parce que Allah a permis qu'elle se produise. Il n'y a rien qui peut arriver dans la création sans la volonté d'Allah. Et donc, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, ça ne se produit que par la volonté d'Allah. Comme les musulmans le disent tous, ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas ou ce qu'il n'a pas voulu n'est pas. Hein? Et il dit donc toutes les créations et tout ce qui existe et même les actions des créatures et la pluie et ainsi de suite, tout ça c'est par la volonté d'Allah, peu importe que ce soit parmi ses actions, les actions que seulement lui fait ou les actions de ses serviteurs, tout ça c'est par sa volonté. Et ensuite il mentionne le quatrième degré, le degré de Al-Khalq. الخلق الذي فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. نعم. Donc il explique par rapport à ce dernier degré parmi les degrés du qadar. Il dit يعني أن الله تعالى خلق كل شيء فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Il dit « Wa qawluhu khaliqu kulli shay, fa kullu shay'in makhluqun lillahi, fal insanu, wa amaluhu, wa harakatuhu, kulluha makhluqatun lillahi, bal kullu harakatin, fahiya khalqun lillahi, wa kullu sukunin, fahuwa khalqun lillahi, wal ajabu, annal jahmiyya, استدلوا بالآية الكريمة على أن القرآن مخلوق وهذا الاستدلال باطل لأن المخلوق منفصل بائن عن الخلق عن الخالق إذ إن المخلوق يستلزم ثلاثة أشياء خالقا وخلقا ومخلوقا. فالمخلوق إذن ليس من صفات الخالق، أما الخلق فهو من صفات الخالق لأنه بائن منفصل عنه، وأما الخلق فهو من صفات الخالق لأنه بائن منفصل عنه. وعلى هذا فالقرآن كلام الله، وهو من صفات المتكلم وليس شيئا بائنا منفصلا محسوسا. Je pense ici. Ici, il y a une erreur. Oui. وليس من صفات الخالق. أي نعم. فإذا فالمخلوق إذن ليس من صفات الخالق. أما الخلق فهو من صفات الخالق. الخلق ليس من صفات الخالق لأنه بائن منفصل. Donc ici, c'est probablement une erreur. On va vérifier ça après, inshallah. Il dit, وَعَلَى هَذَا فَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمُتَكَلِّمِ وَلَيْسَ شَيْئًا بَائِنًا مُنْفَصِلًا مَحْسُوسًا يُنْظَرُ بِالْعَيْنِ إِذًا فَكَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْقُرْآنِ. وهذا لا يمكن أبدا، بل القرآن وصفه لأنه كلامه، ووصف الإنسان ليس من مفعولاته. فمثلا لو أعطيتك تمرة وأكلتها، هل فعلك هو التمرة؟ لا، بل إن التمرة مأكولة والأكل غير المأكول. وهل أنت الأكل؟ لا، أنت آكل، مضغك أكل، و ممدوغ والممدوغ مأكول. إذن فيجب على الإنسان أن يفرق بين المفعول البائن وبين الفعل الذي هو وصف الفاعل. نعم. Donc je comprends qu'est-ce qu'il veut. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par al-khalq? C'est la création, hein? La création, ça fait partie des attributs d'Allah, parce que c'est lui le créateur. Et il dit, فَإِذَنْ فَيَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمَفْعُولِ الْبَائِنِ وَبَيْنَ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ وَصْفُ الْفَاعِلِ فَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَالْآيَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال الله خالق كل شيء فيلزم أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن الخالق وهو على كل شيء وكيل. Et aussi un autre verset par rapport à ce sujet-là que le cheikh il a pas mentionné ici, mais que les ulama ils ont mentionné comme dalil, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ala lahul khalq wal amru ala lahul khalq wal amru. Ils ont dit al-khalq, hein, c'est ce que Allah a créé, wal-amru, c'est son ordre et son commandement. Laysa min al-makhlouq, hein, wal-Qur'an min amrillah, hein, fa laysa makhlouqan. Le Qur'an. Donc on va expliquer tout ça. Le Cheikh il dit ici que nous devons croire donc que Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé et tout. Toute chose, c'est Allah qui l'a créé, comme il le dit dans le Coran. Allah est le créateur de toute chose. Et il est de toute chose le garant. À lui appartiennent les clés des cieux et de la terre. Donc, toute chose qui existe, c'est Allah qui l'a créé, que ce soit l'être humain ou les actions que l'être humain fait. Hein? Et les mouvements que l'être humain fait. Les mouvements que tu fais, c'est Allah qui les a créés. Les actions que tu fais, c'est Allah qui l'a créé. Les choses que tu fabriques, c'est Allah qui l'a créé aussi. Tout ce qui existe, c'est créé par Allah. Et il dit même que chaque mouvement fait partie de la création d'Allah. Et même que ton immobilité fait partie de la création d'Allah, lorsque tu es immobile. Et il dit que c'est étonnant que parmi les bid'ahs, les gens de bid'ah comme les Jahmiyyah qui nient les attributs d'Allah, eux ils croient pas en les attributs d'Allah. Et par conséquent, ils ne croient pas que le Coran, c'est la parole d'Allah. Parce qu'ils disent que Allah, hein, il n'a pas d'attributs. Donc, il ne parle pas. Et donc, ils disent que pour eux, le Coran n'est pas la parole d'Allah. Plutôt, c'est une création que Allah a créée. Et donc, ils se basent sur ce verset-là pour dire Allah a créé toute chose. Donc, par conséquent, il a créé le Coran. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, le verset que les ulama ont mentionné pour réfuter ça, c'est le verset dans lequel Allah dit Ala lahul khalq wal amr. N'est-ce pas à lui qu'appartient la création et le commandement? Et la création, c'est tout ce que Allah a créé, et le commandement ou l'ordre, ça c'est, hein, parmi les choses qui font partie de l'ordre, c'est le Coran, ça fait partie de son ordre et de son commandement. C'est sa parole, et donc c'est son attribut. Et les attributs d'Allah ne sont pas créés. Hein, parce qu'il n'y a rien de ce qui fait partie d'Allah qui est créé. Il n'y a rien de ce qui fait partie d'Allah qui est créé. Donc sa parole, ça fait partie de ses attributs. Et donc, ce n'est pas créé. Et ici, donc, le cheikh, il explique ici pour dire qu'il faut distinguer entre trois choses. Puis les trois choses qu'il a mentionnées, c'est Khaliq, le Khaliq, Al-Khalq et Al-Makhlouq. Al-Khaliq, c'est le créateur. Al-Khalq, c'est la création et, ou l'acte de créer. Et Al-Makhlouq, c'est la créature, ce qui est créé. Et pour comprendre bien comme il faut cet exemple-là, c'est l'exemple que le cheikh il a mentionné. Et cet exemple-là, on la mentionne souvent quand tu dis, par exemple, que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la faim, il a créé la nourriture et il a créé l'acte de manger. Hein? Pourtant, lui, il ne mange pas. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. C'est lui qui nourrit, mais lui pas nourri. Hein? Donc, il a créé l'action de manger, mais ça ne veut pas dire qu'il mange. Hein? Donc, il faut faire la différence entre la création et l'action. Hein? La création de l'action et le fait de faire l'action. C'est deux choses différentes. Donc, la créature a fait l'action, mais c'est Allah qui a créé cette action-là. Hein? Et qui a créé la création elle-même. Le cheikh, il explique, il donne beaucoup d'exemples un petit peu compliqués. Donc, il y en a pour simplifier. Moi, je mentionne ça de cette façon-là pour que ça soit plus simple à comprendre. Et en même temps, c'est une réfutation des Jahmiyyah. Une réfutation des Jahmiyyah qui nie la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, « وَقَوْلُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ » Wakil ay hafiz. Donc, il est le garant de toute chose. Ça veut dire quoi, Wakil? Ça veut dire le garant. Le garant, c'est celui qui préserve, qui protège, qui garde. Il dit, وَقَوْلُهُ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمَقَالِدُ يعني المفاتيح يعني أن مفاتيح الأمور كلها بيد الله عز وجل. Donc, المقاليد, ça veut dire les clés. C'est le pluriel de miftah, yani mafatih. Donc, c'est à Allah qu'appartient les clés des cieux et de la terre. Donc, ça veut dire que c'est lui qui a tous les secrets et toutes les connaissances et toutes les choses, hein, des cieux et de la terre. Mas'ala. Hal madhhabu al-asha'ira fi bab al-qadar mithlu madhhab ahl-sunnah? Naqulu la. Bal madhhabu al-asha'ira fi bab al-qadar yushbihu madhhab al-jabriyah. Une des raisons pourquoi les ulama ils ont mentionné le quatrième degré de la création parmi les degrés du qadar, c'est parce que les qadariyas, eux, ils disent que ce n'est pas Allah qui a créé les actions des êtres humains, c'est les êtres humains qui créent leurs propres actions. Par conséquent, eux, les qadariyas, ils nient la prédestination, justement. Il n'y a rien qui est prédestiné, c'est l'être humain qui crée ses actions à lui-même. Et donc, en disant ça, c'est comme s'ils ont affirmé plusieurs créateurs. Pourquoi ils disent ça? Parce que il refuse d'affirmer que Allah a créé, par exemple, des choses qui sont mauvaises, hein, ou des choses qui ne sont pas bonnes. Hein. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala, elle a tout créé, le bien et le mal. Hein. Il a créé l'obéissance et le péché. Il a créé le tawhid et le shirk, dans le sens, quand je dis le tawhid, c'est-à-dire c'est lui qui a prédestiné ces choses-là. Et tout ça fait partie de sa création. Donc, eux, les Qadariyas, ils ont dit, oui, mais Yani, si on dit ça veut dire comme si ils pensent que ça implique que il y a comme si eux ils impliquent qu'il faut pas dire ça, parce que si on dit ça voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala yani, il a prédestiné des choses mauvaises, hein. Donc pour nier le mal, hein, à Allah, ils ont préféré dire que l'être humain il fait lui-même ça, il fait lui-même ses actions, il a créé lui-même ses actions, c'est pas Allah qui les a créées. En voulant dire c'est l'être humain qui a créé le mal, c'est pas Allah. Et les ulama, ils ont répondu à ça en disant que en réalité, si vous dites ça, c'est comme si vous étiez en train de dire qu'il y a des choses qui peuvent se produire dans la création contre la volonté d'Allah. Et si vous dites ça c'est du kufr. Parce que de dire qu'il y a des choses qui se produisent dans la création d'Allah contre ça, que Allah ne veut pas, ça veut dire qu'il n'est pas tout-puissant dans ce cas-là. Il n'est pas tout-puissant. Si tu es capable, ou si les créatures sont capables de faire des choses que Allah ne veut pas dans sa création, ça veut dire que ce n'est pas lui qui est tout-puissant. Hein? Et ça, c'est la négation de sa toute-puissance. Et ça, c'est du kufr. Donc, qu'est-ce que les ulama ont expliqué à ce sujet-là? C'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné dans les cours précédents, il a voulu qu'il y ait la création, il a créé du bien, il a créé du mal. Et il a voulu que dans sa création, il y ait du bien et du mal. Et que même s'il y a quelque chose dans la création qui peut nous sembler mal, même dans ce mal-là, il y a du bien en réalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a uniquement créé pour une sagesse qui est à la fin quelque chose de bien et bon. Même si, à première vue, ça peut nous sembler difficile à comprendre ou difficile à voir. Et donc, c'est pour ça qu'il a créé Iblis. Il a créé Iblis, qui est le diable. Et il l'a créé pour quelle raison? Pour éprouver les êtres humains et pour les tester. Il a créé le shirk, il a créé le kofr, il a créé les péchés. Si ces choses-là n'existaient pas, il n'y aurait pas eu de test, il n'y aurait pas eu d'épreuve, il n'y aurait pas eu de récompense pour les croyants, pour ceux qui méritent la récompense de son paradis, et ainsi de suite. Donc, même dans ce qui est en apparence mauvais, il y a un bien dedans. Et il n'y a pas quelque chose dans ce que Allah a créé qui est purement mal à 100%. Non. Même dans le mal qui existe dans la création d'Allah, il y a du bien dedans. Et c'est pour ça que on dit, par exemple, dans le doa, le prophète s'en dit, Wa sharru laysa ilayk, c'est-à-dire que on n'attribue pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Pourquoi? Parce que même si c'est lui qui l'a créé, hein, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, a créé que pour le bien, ce mal-là. Hein? Il l'a pas créé pour le mal, il a créé le mal pour le bien. Tandis que yani, les créatures, elles, ce sont elles qui font du mal. Hein? Ce sont elles qui font du mal et qui désobéissent à l'ordre d'Allah. Et on distingue aussi entre l'ordre d'Allah dans la création et l'ordre d'Allah dans la révélation. Et on a expliqué cette distinction-là clairement dans les cours précédents aussi. Naam. Hey, naam. Allah n'a rien créé sans but ou sans sagesse. Tout ce qu'il a créé a un but, une raison derrière. Même si, à première vue, quelqu'un peut regarder quelque chose puis il ne voit pas la sagesse ou la raison derrière. Hein? Et comme tu vois des athées, par exemple, qui disent « Ah, mais pourquoi il y a des enfants qui sont malades et il y en a des enfants qui meurent » ou des choses comme ça. Hein? Eh bien, même dans ça, il y a une sagesse et il y a une raison et une sagesse divine derrière. Hein? Le fait que les parents, par exemple, quand leurs enfants est malade, hein, eh bien, c'est sûr que c'est une épreuve et un test pour les parents. Hein? Et ça remet en question la sabre des parents. Hein? Et l'enfant, lui, s'il meurt quand il est bébé, de toute façon, yani, inshallah, il va au paradis, de toute façon. Les enfants qui meurent quand ils sont bébés, inshallah, ils vont au paradis. Non, inshallah, même les enfants de... il y en a qui disent les enfants des koufars, ils vont au paradis, mais ils seront, yani, en tout cas, il y a divergence entre les ulama sur ça. Mais il y en a d'autres qui disent ils vont être testés au jour de la résurrection. s'ils sont morts quand ils étaient petits. Mais les enfants des musulmans qui meurent, inshallah, oui, ça c'est clair qu'ils vont au paradis. Si c'est les enfants des kuffars, il y a divergence entre les ulama là-dessus, mais il y en a qui disent que oui, ils vont aller au paradis, définitivement, inshallah. Et un point qui est important aussi à savoir, c'est ça, c'est que le croyant, il comprend ça, et quand il voit des choses comme ça, il sait qu'il y a une sagesse derrière. Le kafir, lui, quand il voit ça, il pense qu'il n'y a que la vie d'ici-bas. Il ne croit pas à une vie après la mort. Donc, pour lui, tout ça, c'est absurde. Hein? Il ne vit pas selon la foi. Donc, quand il voit un enfant qui meurt, il dit, ah, oh, mais c'est quoi la sagesse de Dieu dans ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Hein? Parce qu'il voit les choses selon les choses matérielles seulement. Non. Oui, c'est ça. Non, il y a une grosse discussion de ce sujet-là dans l'imam Ibn al-Qayyim, il a parlé de ça dans son livre. Hadi al-Arwah il a bilad al-Afrah. Il a ramené peut-être plus que 30 positions différentes chez des ulama sur cette question. Donc, il y a eu il y a eu beaucoup de discussions sur ce sujet-là entre les ulama. Et donc, celui qui veut voir les détails de ce sujet, il peut retourner au livre de l'imam Ibn al-Qayyim, Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah. Et chacun, ils ont ramené leurs arguments et tout et tout. Donc, c'est un sujet assez développé, Yanni. Non. Ça. Yanni, tout ça, c'est des choses qui ont été mentionnées dans le livre. Donc, vous pouvez retourner à ce livre-là et voir les détails, Inch'Allah. Vous pouvez le trouver en PDF. Il est disponible. Hadi al-Arwah, il a Milad al-Afrah. Naam. De l'imam Ibn al-Qayyim. Ensuite, le cheikh, il dit, Naam. Est-ce qu'il y a une différence entre la position de Ahl Sunna et la position des Asha'ira par rapport au Qadar? Parce que les Asha'ira, comme vous savez, ils disent que ce sont eux Ahl Sunna. Je pense que là, il est 7h10, il nous reste 5 minutes avant l'adhan ou avant l'iqama. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On expliquera la suite de ça au prochain cours, Inch'Allah. Parce que si on commence à expliquer les questions qui ont rapport avec l'Ash'ariya maintenant, on va finir après l'Isha. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واياكم